ton rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Eh ouais, c'est Francky sous le soleil aujourd'hui. Bonjour, belle journée à Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. On est là jusqu'à 9h. J'espère que c'était bien votre week-end. Ouais, tranquille, sous le beau temps. Et vous allez pouvoir en profiter parce qu'aujourd'hui le beau temps s'installe sur Orléans, sur Jargeau, sur Fayolloge, jusqu'à 26 degrés. Et ça, c'est la très très bonne nouvelle du jour. On a démarré à 9-8 degrés et on va dépasser les 25-26 degrés. Voilà, une très très bonne journée aujourd'hui sous le soleil de la région orléanaise. Et puis hier au défilé de 8 mai, vous étiez nombreux aussi à Orléans, des milliers à voir ce beau défilé de toute la ville d'Orléans. Et voici le défilé militaire, et puis Serge Roir qui a pris la parole pour l'Ukraine aussi. Un beau discours. Heureux d'être là, c'est Francky, 7h01 minute. Courage à vous si vous allez au taf ce matin, sur le chantier peut-être, sur la route du boulot, au bureau. Et bien on vous souhaite une très très bonne matinée en direct de la radio. Une fille que j'apprécie, Sarah H, avec la reprise de Gilbert Montagnier, On va s'aimer, vous allez forcément aimer, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. On va s'aimer à toucher le ciel, se séparer à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter les clés de la maison, on va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison, on va s'aimer. Coucou à José qui est connecté du côté du chantier là. Ça y est, ça commence, hein. La pelle, la pioche, la toile. Courage à vous, si vous arrivez à 7h05, dans la chambre peut-être, un demi-camin, c'est les Kiyam. Dime si te has enamorado. Ce matin, pas facile, hein. 27, 28 degrés, on est... allez, allez, ça va être du bon, ça monte un petit peu, on est pas mal. Dana Kill qui arrive. Je n'ai plus besoin de balayer les amours, yeah. Avec leur trémolo, each and every day, like I would you know. Balayer pour toujours, swinging right along the way. Je repars à zéro. I have no regrets, I love you, baby. No, rien de rien. That's exactly how I know it's gonna be, baby. You I love the most, and of course I will tell you. But I have no regrets for loving you. Cause I see that you're interested in me, baby. And I interest in you, yeah. Yeah, what I see is I never make you blue, never turn my back on you. Never, never do that in any way. I would tell you, say no regrets. I may say no, no regrets. I say that, I say it over and over and over again. Yeah, baby, stick them all up and I will tell you when I want to tell you again. So I said, never would I ever, never, never, never. Never would I ever, ever, ever do that again, baby. Turn my mouth to you, I never make you do without anything. No, no. No, no, no, no, no, no, no regret. Yeah, none at all, I tell you. I give you my respect and you give me your respect. And that's life and I wish. Uh-huh, tell you. But I see that I need you so. And I would never let you go. You are loving, not a not a human being, but I would never ever. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Parce qu'il va faire beau, ça c'est la très bonne nouvelle. La météo. Ah oui, la météo pour aujourd'hui, le ciel est dégagé et ensoleillé. Les températures au lever du jour, 9 degrés. Et on ira jusqu'à 25, 26, voire 27 degrés sur Orléans, Jargeau, Feuillet-aux-Loges. Ça, c'est une très bonne journée ensoleillée. Au boulot, ça va être moins compliqué, on va dire, hein, de passer quelques heures sous la fenêtre du bureau comme ça, avec le soleil. Ça fout les boules, hein. Vivement dit, la pause neige. Darina Victory, laisse-moi t'aimer. Jamais connu, jamais vu mon bonheur. Depuis le ciel, c'est scellé, ça y est, hein, il s'aime, c'est sûr. Darina Victory, vous adorez sur Radio Arc-en-Ciel. Bon réveil, si vous venez du côté de Giorgio, par exemple, comme Edouard, qui est connecté, qui va au boulot ce matin. Salut Edouard, hein, belle journée, bon courage pour le taf. Pas facile, le lundi, en plus, le lundi au soleil, ça fait du bien. Le meilleur des souvenirs, Amy Stewart.

cuire, hein, ce matin au boulot par exemple. C'est ce que nous dit André qui nous écoute à Châteauneuf-sur-Loire sur le net. Salut André, passe une agréable matinée. Sous la douche peut-être aussi pour vous avec Yann qui arrive. Ça fait clic-clic, pan-pan. Eh ouais, c'est ça un tube aujourd'hui. Belle journée, bon réveil. T'es trop séduisante, t'es tellement chouchou. J'sais pas ce qui s'est passé. J'repense à toi chaque jour. J'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. J'fais mieux t'effacer. J'sais pas à quoi tu joues, mais j'peux pas oublier le passé. T'es tellement chouchou. J'peux pas t'effacer. T'es la plus belle des étoiles parmi les autres. Je vois que toi. Pompon. Bah ouais, c'est pas compliqué aujourd'hui de faire un tube, voilà. Yann, ce qu'on adore sur la radio couleur. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio jusqu'à 9h. Salut la famille, Joël qui est là, il y a Antoine qui est là aussi, il y a Yann qui est là. Vous êtes nombreux le matin, merci de nous rejoindre. 96.2 FM, un peu de Kizomba.

sem trabalho a demora. O que se acaba, chegou a hora. Já estou cansado, te vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que me faz ser. Gosto do fim de semana. Vou-te dizer quem eu sou. Musicamos cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser bom. Radio, Marquito, en Lusitano, qu'on aura au téléphone cette semaine. Ça va me faire plaisir de le retrouver quelques années après. Ils sont venus en studio, ça nous fait toujours plaisir de le recevoir. Jennifer, qui souhaite un bon anniversaire à son papa aujourd'hui, qui a 58 ans. Happy birthday à André. Voilà, bah, bon anniversaire, André. Sous le soleil aujourd'hui. Eh ouais, ça fait plaisir. Et toute la semaine, ça va être comme ça. Heureux de vous retrouver. On est là jusqu'à 9h. C'est Frankie dans la radio. Avec la Roumania, qui est là. Vagrant Stanon Day. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat beat. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci? Les années 2000, ça, les Roumains, Dragon Sunday, Ozone, forcément. Ça vous rappelle des bons souvenirs, peut-être ce week-end en boîte, dans les bars, en Orléans. En tout cas, on vous souhaite une belle matinée. 7h43 minutes. Et cette semaine, on va vous envoyer à l'Olympia, voir le collectif Métis. Et ça, c'est la très très bonne nouvelle. Et Sexy Lady, le tube du collectif, c'est la famille de Bordeaux. On salue Saint-Ange au passage, Thomas Riba et toute la famille. Hey, à toutes les sexy ladies, toutes celles qui balancent. là toi, va danser sur le collectif métissé, ça c'est le nouveau. Au mois de juin, on aura toute la bande au téléphone cette semaine. Le collectif métissé, Sexy Lady avec DJ Fou à l'époque. Quel cube planétaire, 7h46. Laurent qui est là, Edouard qui est là, Soussou qui est là. Merci la famille, vous êtes nombreux du Brésil, du Portugal. Bandi à la planète. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Beba! Say to fair goal. Et 26, 27 degrés. Isabelle qui est connectée à Orléans, qui nous souhaite une belle journée. Merci pour ce petit son du Brésil avec Michel Tello. Le meilleur des souvenirs pour vous réveiller tous les matins et vous emmener au bureau, au chantier. Voici le remix de la radio arc-en-ciel. Camaro et Femme Like You. Les blind amoureux, mon style et ton charme. T'es fabulous, délice pour un mec à dame. Baby, baby, si tu savais comme je t'aime. Baby, baby, crois-moi que l'atmosphère est parfaite. Tu sens plus que sur un port de mer. Baby, deux voix qui se rencontrent, deux histoires qui se racontent. Une chanson pour le lire, des mots, les images pour le décrire. Les rencontres anciennes. Francky dans la radio avec Doudou qui nous écoute du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin. Salut mon Doudou. Eh ouais, la version live, vous adorez Gustavo Lim. Et bala, dada. Eh ouais, 7h53 à l'horoscope, qui en a 8h. Fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar. Vão nessa gata, me liga mais tarde, de balada. Quero que te conheça na madrugada, dança. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? J'observe bouger tapis dans le noir. Je veux bien essayer à prendre quelques pas. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, sur ton chemin, tu les ignores, attends toi t'es sans gêne, sans sommation t'envoie dans le coma, et tes victimes se comptent par centaines, pas la peine de tenter de m'assommer, il ne faut jamais dire fontaine, pour l'instant je t'ai pas promis le sommet, je t'ai juste proposé un cocktail, et de Panama des chaos, allez kata kameno kao, doucement doucement juste au chaos, ce soir je ne serai pas ton pao, et de Panama des chaos, allez kata kameno kao, doucement doucement juste au chaos. Ce soir je ne serai pas ton parent. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Ça se voit. Tu t'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Kachou, 7h59 minutes avec l'artiste. L'horoscope, c'est maintenant. Et l'horoscope, on démarre ce matin avec les béliers. Les béliers, vous trouverez des échos favorables à vos idéaux dans votre entourage aujourd'hui. Les taureaux, vous passerez sans raison du rire aux larmes ce matin. Les gémeaux, en couple, les tensions commencent à s'estomper. Alors profitez-en. Les cancers, l'ambiance est au top ce matin. Le soleil est au rendez-vous pour vous. L'horoscope pour les lions, vos amours seront quelque peu tortueuses aujourd'hui. Est compliqué. Les vierges, caramel, bonbons, chocolat, que de petites attentions que vous ne saurez refuser. Les balances, des plaisirs hautement voluptueux sont à votre portée aujourd'hui. Les scorpions, vous discuterez de nombreux projets en cours avec votre bien-aimé. Les sagittaires, vous constaterez que votre partenaire vous fait toujours autant d'effets. Ah, c'est bon ça. Les capricornes, en couple, vous vous en sortirez mieux si vous refusez les intrusions dans votre vie privée. Les Verseaux, les contacts avec l'être aimé sont placés sous le signe de l'harmonie et de la concorde. Les poissons, pour terminer, vous vivez en harmonie avec celui ou celle que vous aimez. Belle journée. Eh ouais, les petits amoureux, là, vous allez pouvoir en profiter à midi avec la pause bureau, peut-être, et avec le soleil qui est là, et ça, ça fait du bien. Qui ne veut qu'arriver et qui tu réalises, c'est sur Radio Arc-en-Ciel, en direct à la radio. Belle journée et bon petit-déj à vous. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Ouais, moi je vous accompagne à la porte du bureau, hein, sur le chantier ce matin. 8h01, avec Tu réalises, qui tu es ? Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise avec quoi porter valise, que l'on officialise toi. courait. Si tu te noies, je serai ta bouée. Oh bébé, dis-moi ton secret pour m'avoir autant secoué. Car à toi, je suis voué. Je suis toi la bouée. Est-ce que tu Kevin Kinvey, est-ce que tu réalises? Bah ouais, le meilleur de la musique, c'est tous les matins pour vous emmener au taf. Eh ouais, lundi, pas facile, mais là, le soleil est là. Et les tragédies aussi, le meilleur de la musique, 8h04. Sure. t'attends. C'est juste que tu descends. Trop longtemps que j'attends. Je commence à perdre patience. J'ai appris que tu aimais ça. Faire languir tous les mecs comme moi. Et celui qui s'acharnera, ce sera lui que tu choisiras. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Et ça, ça nous rappelle les années 2000, ça. Émilie qui est là, salut Émilie sous le soleil. Bah ouais, aujourd'hui, il va briller, je peux vous le dire. C'est ça qui donne le smile, le sourire. Bon courage à vous si vous allez au taf ce matin. On est en direct comme tous les jours et c'est 7h-9h, c'est Francky dans la radio. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. On est là avec notre habitude, la radio qui va au boulot enfin ce matin, ça y est, monsieur Feria, bonjour. Bonjour. Bon dia. Bon dia. Tout, tout, tout bien? Ça va, ça va. Ça va. Est-ce que tu reprends le travail aujourd'hui? Ben, ça va pas, non. Ben, c'est quand que tu reprends, toi? Tu bosses quand? La fin du mois. Ah, la fin du mois. Ben, yo, quel repos, alors? C'est quoi le programme sous le soleil, là? Du vélo, de la piscine aujourd'hui? Ben, j'attends de plus la piscine, tu vois. Ah ouais, ouais, toi, t'as une piscine, en plus, t'en profites, hein. Ben oui, j'attends pas que le robot, là. Ouais, ouais, c'est ça, voilà. T'es, ah, là, là, la chance, quand même, hein. Tu nous enverras des photos cet après-midi, hein, enfoiré. Ok, t'inquiète pas. Ben, je m'inquiète pas, monsieur Ferléa. Et y a ton site. Si tu veux venir, tu peux passer, hein. Ben, je passerai un de ces quatre, t'inquiète pas, avec plaisir. Tu m'envoies l'adresse, et puis, je passerai faire une bombe dans ta piscine, hein. Ok, y a pas de souci. Et ton CD, il t'attend à la radio, hein, quand tu veux, hein. Ok, ça marche. Salut, monsieur Ferléa. Allez, ciao. Belle journée. Au revoir, mon ami. 8h08 minutes avec le meilleur de la musique. Moi, je préfère la version originale, hein, c'est vrai. Heureux d'être là. Salut Stéphano, qui est connecté du côté de Saint-Privé-Saint-Mémin. On vous souhaite une très bonne matinée. Si vous voulez arriver, 02-38-43-48-00. C'est le numéro du standard. Ben, n'hésitez pas. 02-38-43-48-00. C'est ce qu'a fait Monsieur Farléa. Bandi à la planète. Si vous venez d'arriver du côté de Saint-Jean-de-Vray, Pithiviers ou encore Jargeau, eh bien, le soleil est là. Mon papa est un gangster. Soirée agitée, il me dit que c'est le studio, mais C'est vrai qu'il travaille dur, dur. Mais par contre, il a du rouge à lèvres sur les habits, ça c'est sûr. Et l'ascenseur, il fait des clins d'œil. Oh maman, accompagnant le enfant. Il est débattant, pleure même d'un œil. De tous les côtés, il n'arrête pas de mater. Comme ça, comme si il était recherché. Je ne suis jamais certain que c'est lui qui viendra me chercher. À 4h30, avec un style d'affranchi, une nouvelle petite amie. Mon papa c'est le plus fort. Quand il entend un bon, il s'évapore. Pas besoin de revolver. La vérité, on veut toujours t'écraser. C'est eux, c'est sans pari. Oh, laisse pour le moment, tu comprendras une fois plus grand. Et quand elles continueront toutes à t'énerver, dis-leur. Ils ramènent chaque semaine une nouvelle belle-mère. Une droite, gauche, gros, chier. Mais seulement quand le camarade a cherché. Ne jamais respecter quelqu'un qui ne te respecte pas. Il ne m'influence pas, juste me guide sur mes pas. Il m'offre des bonbons, gâteaux, super-héros. Lapin et aussi des magnums, des fusils, des fusils. Sa maman, ma grand-mère le gronde. Et blabla, il fuit en moins d'une seconde. Il ne fait pas ce qu'il veut, tout ce qu'il peut. Entre la vie, la nuit, l'artiste mystère. Et pour son lapin, le meilleur des pères. Mais fiston, il y aura toujours des détracteurs qui diront ton papa à toi est un gangster. Mon papa à moi est un gangster. Ça c'est le meilleur des souvenirs le matin pour vous emmener au bureau avec le Stommy Bugsy, super mec d'ailleurs que j'avais interviewé il y a 10 ans à la radio. Ah ouais, un super bonhomme. Mon papa à moi est un gangster. Lui c'est pas un gangster, il fait des tubes en ce moment, il est orléanais. Il s'appelle Alex Le Bail, il est sur toutes les grosses radios rock. Voici son titre qu'on adore. Eh oui, oui, oui, oui. I Feel a Song. Alex Le Bail, l'orléanais, c'est sur Radio Arc-en-Ciel la première fois, c'était chez nous. M'a frôlé presque en nu. J'ai senti comme une vague de chaleur. Comme si d'un coup j'avais un cœur. Comment m'ouvrir à ce désir? Se dévoiler un jour notre avenir. I can't explain. But I will find a song again. Aujourd'hui premier rendez-vous. sera à mes côtés, unis, soudés, plus que jamais. Si tu savais toutes mes envies, que plus jamais. De l'avoir reçu ici. La première fois, c'était chez nous à Orléans. 96.2 FM, Alex Le Bail. Belle journée, bon réveil. Le meilleur des souvenirs, c'est tout de suite sous le soleil. Eh bien, ça tombe bien. Le Coco Jumbo 96, le titre. Forcément, ça vous rappelle des bons moments en club. Voici Mr. Presidente. Chanter déjà dans la voiture sur la route du boulot ce matin, l'année 96-97, le Mr. President et Coco Jumbo, 8h21, belle journée sous le soleil. La météo. Et oui, le soleil sera bien là toute la journée, ça c'est la très bonne nouvelle et ça va durer toute la semaine. La journée la plus chaude, ça sera jeudi. Aujourd'hui, on va quand même atteindre les 25, voire 26 degrés. Un invité qu'on a reçu il y a une bonne semaine, Jean-Pierre Savelli, le duo Peter et Sloan. Il fait toutes les dessins animés des années 80, Goldorak, Capitaine Flamme, c'est lui. Et bien voici un nouvel extrait de son album Romantique, la version acoustique de Besoin de Rien. envie de toi. Jean-Pierre Savelli sur l'arc-en-ciel. Écoutez cette version, elle est totalement magnifique. Besoin de rien, envie de toi par Jean-Pierre Savelli. L'album s'appelle Romantique. Romantique, l'album Jean-Pierre Savelli à vous procurer de toute urgence. Il était notre invité il y a 15 jours et ça m'a fait vraiment plaisir de voir la star des années 80 en direct comme ça. Ah ouais, ça fait un zizir. 8h26, il arrive l'ami Kinvey avec sa petite sœur Lorelai, la vie du bon côté. Ah ouais, il faut la prendre. Courage à vous si vous allez au taf. Eh, 26 degrés, allez, dans la piscine avec monsieur Farleya qui nous écoute déjà dans la piscine, on est bien. Les critiques qu'on me faisait me peiner et me blesser. mais tout ça c'est du passé. Je sais c'est de la montée pour croquer la vie à pleine. Danser selon mes idées, je vis mes envies pleines. Manger bien, essayer de changer le passé, mes peines. Non, rien ne changerait, c'est mes peines. Non, non. Ça y est, j'en ai assez, assez de la montée. Je l'ai passé, passé. Donc profiter est important. Je n'ai pas envie de nourrir des regrets à 40 ans. On ne peut pas continuer à exister en portant le lourd poids des remords d'antan. J'ai cessé de me lamenter pour croquer la vie à pleine. Danser selon mes idées, je vis mes envies pleines. Non, j'ai bien essayé de changer le passé, mes peines. Non, ça ne changerait ces événements. Me lamenter, pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, ne pas abandonner. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, ne pas abandonner. J'y suis arrivé, donc tu peux y arriver. Prendre la vie du bon côté, c'est super important. Courage à Isabelle qui va au taf ce matin. Ça y est, dans le tram, elle nous écoute. Dans le Walkman, à l'ancienne. Ah ouais, le Walkman, c'est à l'ancienne, hein, Isa. Heureux d'être là, c'est pour qui dans la radio. 7h, 9h, votre réveil matin. Eh ouais, c'est Francky dans la radio. Puis dans les écrans, on va sortir le 22 juin un hommage à Elvis Presley, un film sur la vie d'Elvis. Austin Butler qui incarne le rôle de la légende du rock and roll sur 2 décennies. Eh ouais, l'ascension du chanteur à son statut de star inégalée jusqu'à aujourd'hui sur un fond de bouleversement culturel et de la découverte par l'Amérique du King. Le film sur Elvis sortira le 22 juin pour tous les fans du rock and roll et du rocker Elvis. Et c'est vrai que franchement Elvis, il a marqué. Apparemment il serait pas mort, c'est ce qu'on dit. En tout cas, à ne pas louper, un beau film qui sortira le 22 juin sur tous les beaux écrans. Rock and roll party. Eh, on adore, franchement on adore jouer sur Radio Arc-en-Ciel. Courage à vous si vous arrivez du côté de la radio, Saint-Jean-de-Bray, Pithiviers ou encore Orléans, Châteauneuf-sur-Loire, vous êtes là aussi nombreux à nous écouter. Merci à Youyou qui est connecté du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin. Salut la famille, belle journée à toi mon Francky. Merci de nous redonner du soleil tous les matins, ça nous fait vraiment vraiment vraiment plaisir. Et nous aussi on est là jusqu'à 9h avec vous. On vous emmène avec Tal qui arrive, le sens à la vie. C'est sur Radio Arc-en-Ciel, belle journée et bon réveil. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là rien n'est pareil. Évidence, j'ai trouvé ma voie. 9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Mi corazón me pide más, nena. Dámelo, baby. Mi corazón me pide más.

avec Michael Steven, le Portugal qui rencontre l'Espagne, ça fait du bien, 8h44 et je peux vous dire aujourd'hui, et d'ailleurs toute la semaine, le soleil sera là et ça c'est une très bonne nouvelle. La météo. Et oui, le soleil va briller aujourd'hui et toute la semaine jusqu'à dimanche prochain. C'est du soleil assuré avec quelques petits nuages, mais très timides. Les températures aujourd'hui sont de 9 degrés ce matin en réveil. Et on va dépasser les 25, voire 26, voire 27 degrés du côté de Jargeau, Orléans, Pithiviers ou Saint-Jean-de-Bray. Et bah, du son qui va avec le soleil, voilà. La bande à Naps avec Gims, Best Life sur la radio couleur. C'est ma pinto. Moi je prends des selfies jusqu'à Porto Rico. J'avais la haine, j'ai joué jusqu'à lundi. J'ai le temtem, j'ai mis le sac à lundi. Et la Zina, elle s'habille tout en Fendi. J'suis sur TikTok, elle fait la danse des bandits. J'suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand j'me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou, t'as le sang imbibé. La première tu crois, tu l'appelles mon bébé. J'suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Quand j'me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu crois, tu l'appelles mon bébé. Laisse-moi vivre ma best life. Ma best life. En Bentley, j'voulais vivre ma best life. J'étais dans la baraque, la voiture au garage, pas pour l'avion sur Paname. J'ai le bagalame, ça m'a touché, j'ai l'alarme. Tu peux fumer, j'ai mis la soquette sur l'alarme. Qui t'a dit que j'étais fauché, je viens d'atterrir ou bouger. Dans le fantôme accoudé, je les vois tous jalouser. Je suis très organisé, des petits chats bouger. Je suis en MP tous les télurons rouges, j'ai pas fait de. Tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. J'suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. Je sais que t'en veux encore. Je vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton cœur. Je te connais par cœur. Je sais que t'en veux encore. Je vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton cœur. Ma best life. Best life aujourd'hui, c'est la vie est belle. Bah ouais, c'est ça, la vie est bien, avec Grégoire qui arrive. Et puis Jean-Pierre, dans moins de 10 minutes, tiens, on va faire un petit échange micro dans 3 minutes. Stomy Bugsy aussi au programme avec Aucun Dieu ne pourra me pardonner, Grégoire. Et puis cette semaine, l'Olympia. Ouais, c'est moi qui vous invite à l'Olympia cette semaine. J'ai tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand il t'arrive. Tu me dis, allez viens, viens maintenant, c'est le moment, dis-moi c'est quand. C'est quand. Quand. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand que ça commence. Ça s'unit cette rengaine imbécile de mon cœur en vacances. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand le décor. C'est quand qu'on se promène. Histoire, m'appelles, c'est quand t'hésites plus, c'est quand l'éternel, même chose quand pas grave, je suis déjà perdu, c'est quand tu m'emmènes, c'est quand le bonheur, c'est quand que tu m'aimes, c'est quand que tu m'aimes. Quand tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens on se casse, c'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. Mon Pierre, il arrive, il est où là? Bah oui, c'est quand que tu m'aimes. Bah, c'est quand que t'aimes, bah, tout de suite, mon ami. dis donc. On peut dire qu'on est en couple. Bah oui, il fallait que ça reste discret. Ah, je voulais le cacher, ma compie, pour toi. Ah ouais, c'est fini. Ah, l'invité, il est là. Bah, hey, on pourrait une fois que j'ai l'invité. Il est là. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour. Oh, c'est bien. Maintenant. T'as vu, c'est un peu comme, comme tous les matins. Bonjour, Jean-Pierre Savelli. Bonjour. Non, je rigole, Jean-Pierre Savelli est venu la semaine dernière, il y a 15 jours. Ouais. Non, bien, super d'ailleurs. Bonhomme, ouais, ouais, je le salue. J'ai passé une version ce matin de Besoin de rien, envie de toi, sur l'album Romantique qui est là. Magnifique, ah, un petit peu de guitare, tendresse, ça fait du bien dans ce monde de brut. Ah, exactement. J'ai dit brut, hein, pour autre chose, hein, parce que on va servir sinon. Ouais. Comment il va le JPP? Eh ben écoute, il va bien, il y a du soleil, je t'écoutais ce matin. Ouais. Je t'écoutais ce matin, et effectivement, il y a du soleil. Ah bah, j'en compte pas de conneries le matin. Non, c'est vrai. C'est, je t'écoute d'abord, et je regarde la météo ensuite, et je me dis, c'est bon, il dit pas des conneries. Non, bon. Je suis sur Météo France, moi, en direct, hein. Attends, nuage par nuage, je surveille, moi. Non, mais je vois ça. Il m'aurait fait beau, non, donc c'est un bon lundi, c'est... Comme dirait Claude François, le lundi au soleil. Exactement. Il nous manque. Hein. Ouais. Ouais, je suis déçu, quoi, qu'il soit décédé. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? La baignoire, carrément, le mec avec le sèche-cheveux. Hein. Non, il changeait. Il applique après. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Ouais. Bon, comment il va? Eh ben, écoute, ça va. Ça va, il y a des choses ce matin. Eh ben, alors, je vais mettre en fait, le lundi, c'est la brocante. Hein. La brocante de la radio. Si vous voulez des trucs à vendre, vous passez, vous sonnez à la porte. Ouais, c'est ça. Il vous le vend dans la minute, le Jean-Pierre. Exactement. Hein. C'est le Jean-Pierre Pernaud de la radio. D'ailleurs, le salut, monsieur Pernaud qui nous a quittés. Mais oui, non, mais après, si tu veux, c'est qu'il faut un peu. Moi, je suis comme toi. Moi, si tu veux, je suis au service des animateurs. Ah, c'est tu vois ça. Ouais. Et à partir du moment où t'as compris ça, tu as tout compris. Mmh. Voilà, la radio. Effectivement, on a le bonheur d'être à la radio. On a le bonheur de faire une émission. C'est vrai. Et voilà, surtout. Et il faut que les gens comprennent, en fin de compte, que voilà, quand tu es animateur, en tout cas pour ma part, bah voilà, je suis d'abord au service des auditeurs qui sont là, qui sont de l'autre côté du poste, qui t'appellent. Au service de la nation. Exactement. Et puis et puis voilà, une fois que t'as tout compris, c'est et voilà. Bah c'est ça. Et en fin de compte, non, il y a quoi? Il y a un appartement à Porto à louer, là, 500 euros la semaine. Ouais, je vais peut-être y aller. Alors, mais moi, ce qui me manque, c'est la piscine, parce que moi, je voulais être peinard, je voulais juste la piscine. Eh, Francky, t'as 10 minutes de la plage. 10 minutes? Ah, 10 bon, minutes. Bon, on va réfléchir avec ma femme, alors. Hein. T'es à un quart d'heure de l'aéroport. Ah ouais, à Porto. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà. Ah, on va peut-être réfléchir encore une fois, alors. Voilà. J'ai eu au téléphone la fille, elle est super gentille. Jeannette. Ouais, voilà. Elle est cool. On va réfléchir encore. Ah, 10 minutes de la mer, un quart d'heure de l'aéroport. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. On a tout à portée de main. Il y a des magasins, il y a tout ça, là-haut. Oui. Ouais. Et a priori, c'est pour les passionnés de foot et du FC Porto. Stade. Et il y a la vue sur le stade. Sur le stade de Porto. C'est pas mal. Mais faut être, voilà, fan. Moi, je suis pas trop football, mais bon, après, c'est joli à voir, quand même. Voilà, c'est sympa à visiter. 26 degrés aujourd'hui, c'est le programme de toi. 28, c'est pas 28 degrés à l'ombre. Pas encore. Non. Mais c'est 26, on n'est pas loin. C'est ça. Bon, il y a des bagnoles, quelque chose, des fenêtres, non? ont des offres d'emploi, toujours. Et voilà, toujours. Alors les feignasses, si vous nous écoutez, il y a du boulot ce matin pour vous. Lève-toi un petit peu et travaille pendant les vacances. Allez, debout, lève-toi et marche, comme disait Jésus. En tout cas, du Jean-Pierre qui arrive dans moins de 6 minutes ce matin sur Radio Arc-en-Ciel. On est en direct et ça me fait plaisir de te retrouver, Jean-Pierre. C'est réciproque. Dis-le à la demande aussi, bah oui. Mais oui, 02 38 43 48 00. Et là également, je suis au service de l'auditeur, c'est-à-dire qu'il t'appelle, il te demande la chanson qu'il souhaite entendre et ça passe à l'antenne. En fait, on fait du télétravail, quoi, nous, c'est ça? En gros, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et bénévolement. Et bénévolement. 02 38 43 48 00. Vous passez à la radio, vous appelez Jean-Pierre ce matin, n'hésitez pas. Il va vous trouver ça dans la grande bibliothèque de la radio Arc-en-Ciel. Le temps qu'on fasse le tour, elle est grande, hein, la bibliothèque. Oui, ah, j'ai fait le tour tout à l'heure, là. J'ai compté, hein, il y a 25 000 CD, hein. Ah, je suis à 4 heures. Ah oui, tu viens de bonne heure. Ce matin, moi, je voulais compter les CD, hein. Ouais, c'est ça. Mais les vinyles, tu les as comptés, les vinyles. Ah non, j'ai pas fait les vinyles en bas. Ah, merde. Ah ouais, bah, je vais faire les vinyles tout à l'heure. Je vais tous les écouter un par un. Hein. Je suis pas rentré à la baraque, hein, je vous le dis, hein. Bon, merci, Jean-Pierre. Tu dis à ta chérie que tu rentres pas pendant 2-3 jours, quand même. Hein. Ah, là, j'ai 40 000 vinyles à écouter, hein. Il y a pas un plumard ici, y a rien pour dormir, hein. C'est dommage. Hein. Je peux ramener ça. Ah bah, bon, bah, ok. Bon, bah, c'est bien, alors. À tout de suite, Jean-Pierre. À tout de suite. Allez, Stommy Bugsy qu'on adore. Mon papa, moi et ta concert. Allez, on écoute. Voici Aucun Dieu ne pourra me pardonner. Stommy Bugsy. Je sais que je t'en ai fait voir de toutes les couleurs. Mais tu connais ma vie, ma mise à 700 à l'heure. C'est plus la peine de m'attendre. Je te mérite pas, ma chérie. Et ça, tu peux pas comprendre. Je suis qu'un jeune branleur qui rêve de bulles dans son verre. Je suis qu'un jeune rêveur qui branle sa vie au poker. Des fois, j'appelle ton répondeur pour entendre juste ta voix. Et quand je l'entends comme un gosse, je suis tout fou de joie. T'es un bijou, mais je suis ton pirate, mon trésor. Je t'aime à perpète comme un tolard qui vient de Tissor. Mais je vais plus faire souffrir, oublie nos souvenirs. J'aime trop les filles, la vie, la folie, ma chérie. Sauve-toi, oublie-moi, envole-toi. Comme une colombe qui esquive les bombes, qui plombe. Je sais que je le regretterai dans une soirée chirée. Mais c'est fini, je veux plus jamais voir pleurer. Avec ton appui dans les mains, ce qu'on est. C'est quand on a plus dans les mains ce qu'on aime, qu'on en ressent le besoin et l'envie. Quel problème, aucun Dieu ne pourra me pardonner. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. Y'a pas un jour, pas une nuit où mon cœur ne bat pas pour toi. J'ai toujours ton ange gardien, t'es ma sainte en toi, j'ai la foi. Malheur à celui qui touche, je fais parler les cartouches. J'suis ton gangster d'amour, ça rime avec toujours, toujours, toujours. Quand on n'est plus ensemble, dis-toi que la terre tremble, le ciel pleure, la mer s'énerve. Et nos âmes amoureuses s'élèvent et fait frapper l'éclair dès la glaive. C'est tes larmes, notre âme, fait couler la lave. Embrasse-moi une dernière fois, et le monde est à toi. Tu seras toujours à l'intérieur, mon cœur, et tu le sais, bébé. Tu connais ma force et mes faiblesses pour l'éternité. Trouve le bonheur ailleurs, ma roulietta. Ton romisto et ton paradis, bien c'est libre. Quand on n'a plus dans les mains ce qu'on est. Dans les mains ce qu'on aime, qu'on en ressent le besoin et l'envie. Quel problème, aucun Dieu ne pourra me pardonner. J'adore ce mec, Stommy Bugsy, aucun dieu ne pourra nous pardonner. Jean-Pierre qui arrive en direct avec le soleil ce matin. On vous l'a dit, hein, 26 degrés, et toute la semaine ça va durer, et jusqu'à dimanche normalement, si tout va bien, je vous promets le beau temps jusqu'à même lundi prochain. Allez, soyez un fou. 8h58 avec Amissa Negra et Jean-Pierre avec Zermatin qui démarre dans moins de 3 minutes. Belle journée et courage à vous pour le taf le lundi. Je sais que c'est pas facile, mais le soleil là. Et Juanes la Camisa Negra. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé. Fue pura todita tu mentira, qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno, me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo.